Llegará en Bolivia para seguir sus estudios e instalarse convenientemente. Profes te esperaban en un establecimiento, uno de los más muy tristes. El trabajo de los estudiantes se desarrolla cómodamente, pero la conciencia tomará la delantera. Cadeau attelé, que tu es parti apprendre bien loin de ces lycées. Apprendre sur toi-même, sur un peuple et ses contrées. Pour en revenir encore plus grand que tous ces diplômés. Tu as trompé des lits scolaires contre une carte routière. A étonné bien les compères en foulant les chemins de fer. L'homme sédentaire se mord les lèvres et replonge dans les chimères en lisant le carnet d'une aventurière. Bidons notre vin près du soleil bolivien et que ta voix porte les âmes de quelques Ronésiens.